présente. Mon blaze c'est fizz, quand ça va pas je tease. J'évite les bêtises, je subis cette crise. Avec deux doigts dans une prise, je suis devenu branché. Avec un seul doigt je méprise ceux qui osent lâcher. Le son espéré, rien ne pourra m'empêcher de poser mon flow tout droit sorti des déchets. Classés sont les rimes, froissés ton estime. Comparé au mien, ton flow ne vaut pas un centime. Beaucoup de respect pour les autres artistes. Je vais le rayer de ma liste. Est-ce vraiment nécessaire de reculer, se laisser faire, se faire entuber sur la facture de ton forfait SFR? Je vous assure, je m'éclate à faire ces rimes plates. Beaucoup plus kiffant que de manger tous les jours le même plat de pâtes. Tous dans la même galère, on survit. Je fais du son pour pallier au manque d'argent. Mes rêves n'aboutiront pas en une seule vie. Le monde autour de toi, ce qu'en pensent ces gens. Tous dans la même galère, on survit. Je fais du son pour pallier au manque d'argent. Mes rêves n'aboutiront pas en une seule vie. Le monde autour de toi, ce qu'en pensent ces gens. Allez-y, prenez votre ticket. Tourne, tourne, tourne, la France vous fait tourner. Attrapez le pompon et c'est la niche fiscale. Attrapez mon album et c'est la fiche musicale. Approchez, achetez, n'ayez pas peur. Vous allez vous faire taxer, peu importe l'heure. Ils nous lancent des leurs en balançant certains des leurs. Putain, dis-leur qu'ici la fortune vient en étant dealer. On paye pour vivre, on travaille pour survivre. Certains volent par obligation de se nourrir. On rêve de braquer la française des jeux. Devenir millionnaire, ne plus avoir à s'en faire. Ils nous font tourner en bourrique, tout pour nous pomper notre fric. Ils augmentent l'essence, mais bordel à quoi ils pensent. C'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, mais je n'ai pas touché un seul centime. Tous dans la même galère, on survit. Je fais du son pour pallier au manque d'argent. Mes rêves n'aboutiront pas en une seule vie. Le monde est...